Le 5 mai, l'Agence télégraphique centrale de Corée a publié l'information qui dit notamment « L'historique campagne de 70 jours qui a opéré des prodiges innovations étonnants et manifesté l'esprit héroïque de la nouvelle époque du Malima suivant la direction du respecté camarade Kim Jong-un est couronnée d'une grande victoire à enregistrer particulièrement dans l'histoire nationale. » Cette campagne que notre parti a décidé de livrer en comptant sur le peuple a été la mobilisation de tout le peuple, la défense à outrance de la politique du parti pour remporter les meilleurs succès et créer les meilleurs exploits de travail dans tous les secteurs de l'édification d'un État puissant et prospère par l'esprit révolutionnaire du Pektou et par la capacité de se renforcer soi-même selon l'intention du parti. Et pour faire du 7e congrès du Parti du Travail de Corée un rendez-vous des vainqueurs et de la gloire. Plus les ennemis ont fait des efforts désespérés pour nous priver de la souveraineté et du droit à l'existence, plus la Corée du Juche a renforcé sensiblement la capacité d'autodéfense comme la capacité d'attaque nucléaire et la capacité de se renforcer soi-même et intensifier la campagne de construction. En effet, le plan national de la campagne est accompli à 144% vu la valeur de production industrielle, alors que la production industrielle est accrue à 1,6 fois par rapport à la même période de l'année passée. C'est une innovation éclatante. Encore, des centaines d'entreprises ont été inaugurées ou réaménagées. La grande victoire de l'historique campagne de 70 jours qui fait briller le congrès du parti mère est la preuve évidente de la grandeur de la direction révolutionnaire du respecté camarade Kim Jong-un qui conduit à opérer un grand essor dans l'édification d'un État puissant et prospère en faisant appel à la capacité du peuple de se renforcer et aussi la manifestation nette du patriotisme et de la fidélité de l'armée et du peuple qui partage le sort avec le comité central du parti et qui répond à l'appel du parti par la création du mythe du Malima.